Alors qu'Emmanuel Macron annonçait début novembre 2021 la relance du programme nucléaire français, une nouvelle génération de réacteurs nucléaires se profile, les SMR, ces Small Modular Reactors, autrement dit des réacteurs modulaires de faible puissance, suscitent l'engouement un peu partout dans le monde et sont vus comme un recours futur pour la production d'énergie décarbonée, notamment dans les pays émergents. Mais comment ces mini-réacteurs vont-ils fonctionner et comment répondront-ils aux impératifs liés à la sécurité et à la gestion des déchets nucléaires? C'est le noyau dur auquel nous allons nous attaquer aujourd'hui. Mini-réacteur, le nucléaire change d'échelle, c'est la question centrale qui est la nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces mini-réacteurs nucléaires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Michel Ruggeri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du programme SMR à la direction des énergies du CEA. Avec nous également Stéphane Sarade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes énergie et directeur de recherche au CEA. Mais avant d'entamer cette discussion, il est l'heure de retrouver non pas Natacha Triou qui sera de retour demain, mais vous, Alexandra Delbeau, pour le Journal des Sciences. Bonjour Alexandra. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec trois études parues dans la revue Science démontrant pour la première fois un effet quantique rendant la matière invisible. Oui, cet effet est appelé blocage de Pauli. Il découle du principe d'exclusion présenté dès 1925, mais jamais démontré expérimentalement. Il stipule que deux particules semblables ne peuvent pas être dans le même état, donc occuper les mêmes niveaux d'énergie. Ce principe, valable pour les électrons ou les protons, a été appliqué cette fois à des atomes entiers. Pour parvenir à ces résultats, des chercheurs du MIT ont refroidi et comprimé un nuage de lithium gazeux. Et en approchant du zéro absolu, les atomes de lithium sont très ralentis et ne peuvent plus passer d'un état à l'autre. Ils sont donc bloqués et ne peuvent plus interagir avec la lumière. Les chercheurs sont ainsi parvenus à diminuer la diffusion de la lumière dans ce gaz de 37%. Et en poussant cette expérience à l'extrême, il serait possible de rendre ce nuage de gaz quasiment invisible. Trois équipes indépendantes ont reproduit cette même expérience avec des gaz différents et ont obtenu des résultats similaires. Cet effet pourrait être utilisé pour le traitement quantique de l'information. Jean Dalibard est physicien, professeur au Collège de France et médaille d'or CNRS 2021 pour ses travaux en mécanique quantique. Le blocage tel qu'il a été mis en évidence dans les expériences qui viennent d'être publiées, là, c'est en fait la manière dont un ensemble d'atomes va diffuser de la lumière. Donc cette fois-ci, ce n'est pas les électrons à qui on va appliquer le principe d'exclusion de Pauli, mais c'est aux atomes eux-mêmes. La manière dont un atome diffuse la lumière, c'est un petit peu comme une balle de tennis qui rebondit sur une raquette. La balle de tennis, c'est le grain de lumière, le photon, et puis l'atome, c'est la raquette. Donc la balle de tennis arrive dans une certaine direction, elle tape sur la raquette, et puis elle repart dans une autre direction. Et la raquette elle-même, eh bien, au moment du choc, elle recule. Ça, on le sent très bien dans notre poignet si on joue au tennis. Eh bien, l'atome, c'est la même chose. L'atome va recevoir un grain de lumière, le photon, qui arrive d'une certaine direction, et va le renvoyer dans une autre. C'est ça, la diffusion de la lumière. Et au moment où il diffuse, l'atome doit reculer, donc doit changer de vitesse, mais pas de chance. Si la vitesse à laquelle il doit arriver après avoir diffusé le photon est déjà occupée par un de ses partenaires, eh bien, il ne peut pas y aller. Donc pour ça, eh bien, il faut effectivement refroidir beaucoup le gaz. On peut représenter les vitesses comme une sorte d'échelle, avec le barreau le plus en bas de l'échelle. Eh bien, c'est la vitesse quasiment nulle, autorisée par la physique quantique, et refroidir un gaz, c'est donc remplir de manière, sans laisser de trou, remplir les barreaux de l'échelle. Voilà, le gaz devient presque transparent, puisque finalement les photons peuvent le traverser sans interagir avec les atomes. Il y aura toujours des atomes qui, eux, n'auront pas, sur cette échelle, de voisins immédiats, et donc pour l'occuper, mais ce sera une petite fraction. Les études illustrent de manière superbe un élément de la physique quantique. Donc pour moi, c'est des magnifiques expériences qui vont illustrer les cours de physique quantique. De manière plus générale, je dirais que c'est des expériences qui s'inscrivent dans un champ de recherche qu'on appelle la matière quantique, c'est-à-dire une matière qui est extrêmement froide. Et comme cette matière est extrêmement froide, eh bien les effets quantiques jouent un rôle dominant, alors qu'ils sont souvent masqués à la température ambiante. Donc cette matière quantique, eh bien c'est vraiment un champ de recherche qui occupe beaucoup, beaucoup de gens en ce moment. où on cherche à utiliser toutes ces propriétés à la fois pour des études fondamentales et puis des applications. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez réécouter ce journal des sciences et l'émission en entier sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. L'OMS redoute 700 000 morts supplémentaires du Covid-19 en Europe d'ici au printemps 2022. Oui, l'Europe est à nouveau l'épicentre de la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au rythme actuel de propagation du virus, le nombre total de décès pourrait être porté à 2,2 millions dans les 6 prochains mois. En cause, selon l'OMS, la prévalence du variant Delta, plus contagieux, l'assouplissement des mesures anti-Covid malgré le retour du froid et une couverture vaccinale insuffisante. Un conseil de défense sanitaire s'est tenu à l'Élysée ce matin et à sa sortie, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a précisé les 3 axes de lutte contre cette 5e vague en France par un renforcement d'abord des mesures barrières, du pass sanitaire et du rappel vaccinal. Des annonces concrètes sont attendues dès demain. En bref toujours, une étude publiée dans American Chemical Society utilise des micro-robots poissons contre des cellules cancéreuses. Oui, le but est de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses pour limiter les effets secondaires des chimiothérapies. Et pour les différencier des cellules saines, les cellules cancéreuses ont une particularité, leur environnement est légèrement plus acide. C'est cette caractéristique que les chercheurs ont exploitée en imprimant en 3D ces petits robots dans un composant particulier, l'hydrogel. C'est un matériau qui réagit aux variations de pH. Ainsi, lorsqu'il est exposé à un pH faible, la rétraction du gel provoque un petit trou permettant au médicament de diffuser à travers la membrane. Le poisson, approchant des cellules cancéreuses, détecte les variations de pH et libère sa chimiothérapie. Il ne s'agit pour l'instant que d'une preuve de concept et avant d'être introduit dans un corps humain, leur taille devrait être réduite. Et enfin, Bruce Willis est votre héros d'enfance, Alexandra Delbo, et ça tombe bien puisque la sonde DART de la NASA a décollé ce matin avec succès. Oui, cette mission a pour but de tester notre capacité à dévier la trajectoire d'un petit corps par un impact. La cible est un astéroïde binaire, il s'agit de Didymos et de sa lune Dimorphos. Et pour les dérouter, la sonde percutera Dimorphos à une vitesse de 6 km/s, soit 24 000 km/h. Et selon les calculs, la trajectoire de cette lune serait décalée de quelques millimètres. Cela paraît peu, mais cela pourrait être suffisant pour nous protéger d'un astéroïde menaçant. Alors, pas de panique, cet astéroïde-là n'est pas dangereux. Il passera à plus de 10 millions de kilomètres de la Terre. C'est pourquoi le voyage de DART devrait durer un peu moins d'un an. L'impact de ce vaisseau kamikaze n'aura pas lieu avant septembre 2022. Pas d'Armageddon en vue. Merci beaucoup Alexandra Delbo. On vous retrouve tout à l'heure pour le reportage et demain on retrouvera Natacha Triou pour le prochain journal des sciences. Si nous voulons payer notre énergie à des tarifs raisonnables et ne pas dépendre de l'étranger, il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ces investissements nous permettront d'être à la hauteur de nos engagements. Au moment où nous allons clôturer la COP26 à Glasgow, c'est un message fort de la France. Voilà un extrait du discours d'Emmanuel Macron le 9 novembre 2021, Stéphane Sarrade. Est-ce que cette annonce-là est de bon augure pour ces mini-réacteurs nucléaires dont on va parler? Est-ce qu'on peut déjà avoir une estimation de la place que prendront les mini-réacteurs nucléaires dans cette stratégie française globale de réinvestissement de ce champ-là? Alors je crois qu'effectivement nous aurons plus d'informations dans quelques semaines, puisque nous attendons des précisions sur la nature de cette relance nucléaire. Je crois que notre président de la République avait globalement en tête plutôt des réacteurs de grande taille, de manière à avoir une solution dans la continuité, puisque un certain nombre de nos réacteurs nucléaires de grande taille, notamment les plus anciens, les 900 mégawatts, vont arriver en fin de vie, donc il convient d'anticiper. Et je pense qu'il y a effectivement cet élément là dans l'enveloppe globale dédiée au nucléaire, mais aussi bien sûr une partie qui sera dédiée à l'innovation nucléaire avec le développement de petits réacteurs que vous avez évoqués, les SMR, mais aussi d'autres concepts, des concepts avec des systèmes de quatrième génération, donc ce que nous appelons les AMR, Advanced Modular Reactors, donc les réacteurs modulaires avancés, qui sont des SMR, mais non pas à eau pressurisée, mais des SMR de quatrième génération, notamment des réacteurs à neutrons rapides, des sels fondus et autres. Alors là, on parle un peu technique et tout à l'heure, bien sûr, on décrira tout ça. Jean-Michel Ruggieri, si on reprend un petit peu ce contexte de départ, je le disais en introduction de cette émission, il y a quand même un engouement autour de ce concept de SMR. Est-ce que cet engouement est mondial, européen? Pourquoi un tel engouement? Oui, en effet, il y a un engouement sur les SMR, donc ces petits réacteurs modulaires, qui est en effet mondial. Parce que on voit bien déjà toutes les grandes puissances du nucléaire sont portées sur ces réacteurs nucléaires de petite taille. On peut parler des États-Unis avec le Canada, on peut parler de la Chine, de la Russie aussi, et la France à sa part, ainsi que l'Angleterre au niveau européen. On peut compter aussi au niveau de l'AIEA quasi 70 projets qui sont portés dans le handbook, donc le livre de référence des SMR de l'AIEA. Bon, sur ces 70 projets, en effet, il y en a quelques-uns qui aboutiront à des projets industriels, mais il n'empêche que ces réacteurs-là apportent une R&D et un engouement sur le nucléaire qui aide aussi à parler de cette partie-là. Est-ce que c'est déjà arrivé une telle densité de projets proposés, mis sur la table, Stéphane Sarraz? On parle de 70 projets à l'échelle mondiale. Dans le domaine nucléaire, c'est quand même assez conséquent. C'est très conséquent, et puis... Alors... une quantité importante, hein, 70 projets au niveau mondial, avec, comme l'a dit Jean-Michel, des pays très acteurs et très moteurs dans ce domaine-là. Sur ce type de réacteur, oui, c'est la première fois que nous voyons, et je dirais que c'est assez enthousiasmant. Et je pense que ça répond aussi à une réalité. Le nucléaire, l'industrie nucléaire, telle que nous la connaissons, s'inscrit habituellement dans des temps plutôt longs, en termes de conception et de réalisation de réacteurs, ce qui est assez normal, puisqu'en réacteur, on le fabrique pour 40 et bientôt peut-être 60 ans de fonctionnement. Les Américains, eux, amènent leur réacteur à 80 ans de durée de fonctionnement. Devant l'urgence climatique, devant la nécessité, et c'est ce qu'évoquait notre président, de produire de l'électricité décarbonée en grand volume. Pourquoi en grand volume? Parce que nous allons aussi décarboner nos usages à travers les véhicules électriques, à travers la production d'hydrogène. Donc la nécessité aussi d'avoir une partie du nucléaire, et j'insiste sur cet élément-là, puisque les SMR n'ont pas vocation à remplacer les centrales de grande taille que nous connaissons. Et les fameuses EPR, qui sont au cœur de, je pense, la déclaration de notre président. Mais justement, les SMR sont aussi en complémentarité une possibilité qui nous est offerte d'avoir un développement plus rapide et un déploiement assez rapide d'énergie décarbonée. Alors, en France, mais les SMR, là, Jean-Michel, tu connais bien le sujet. L'idée initiale, c'est d'avoir un produit qui va à l'export, au départ. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on parlera tout à l'heure de ce qui compose ces centrales nucléaires de moindre taille, de moindre échelle, mais c'est d'abord un projet qui est censé démocratiser, on va dire, le nucléaire à l'échelle mondiale, Jean-Michel Ruggieri. J'aime bien le mot démocratiser, en effet, le nucléaire à l'échelle mondiale. En effet, l'idée, c'est bien de pouvoir permettre à des pays nouveaux entrants qui veulent décarboner leur système énergétique, et notamment l'électricité, parce qu'en fait, la France est un point particulier où on a une électricité très peu carbonée, donc voire pas carbonée par rapport à oui, les proportions monde. Les proportions d'électricité produite en France par le nucléaire, c'est 70% à l'heure actuelle. Donc on a une électricité très décarbonée, donc d'autres pays ont besoin de décarboner l'électricité. Donc remplacer les centrales à charbon, notamment vieillissantes, qui vont être à remplacer pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone en 2050. Et en fait, ces SMR se positionnent finalement pour remplacer ces unités-là dans les mêmes réseaux, dans des réseaux qui acceptent ce petit taille et donc viennent en complément finalement des grosses unités. Stéphane Sarraz. Je crois que c'est intéressant aussi de nous projeter. Si on se projette en termes de démographie, globalement, la prospective nous indique qu'à l'horizon 2050, nous serons globalement 9 milliards d'habitants, avec 60% de la population vivant en centre urbain. Donc se pose la problématique aussi dans ces futurs Singapour, Hong Kong, Shanghai qui vont se multiplier, comment amener de l'énergie, mais aussi, on le verra à terme, de la chaleur, de l'hydrogène et autres. Donc ce sont aussi des produits qui, des réacteurs qui peuvent aussi s'intégrer dans cette problématique de gestion de nos centres du futur. Eh bien écoutez, puisqu'on parle de CSMR et du futur, on va évidemment plonger tout de suite dans notre sujet, on va décrire comment ça fonctionne. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Jean-Michel Ruggieri, avant de décrire comment fonctionne un SMR, on peut peut-être rappeler le fonctionnement global d'une centrale nucléaire à fission telle que celles qui sont utilisées aujourd'hui un peu partout dans le monde, et y compris en France. Oui, alors une centrale nucléaire, c'est tout simplement une chaudière finalement qui produit de la vapeur pour faire tourner des alternateurs et produire de l'électricité. Donc ça, c'est relativement simple. Pour ce qui est du nucléaire, la partie chaudière, c'est l'alimentation par l'énergie nucléaire de l'eau, du chauffage de l'eau. Et donc cette fission, elle est obtenue par l'agencement de combustible nucléaire dans un cœur de réacteur. Et c'est ce qu'on appelle la partie donc des crayons combustibles qui sont agencés dans ce cœur et qui par certains mécanismes de fission permettent de générer de la puissance qu'on va maîtriser avec des barres de commande et donc tout simplement chauffer de l'eau. Ces barres de commande, du coup, c'est ces barres qui permettent d'interrompre le processus si jamais il y a un accident ou si jamais la machine surchauffe, entre guillemets. Tout à fait, elles permettent de piloter et d'interrompre à tout moment, en effet, par gravité, tout simplement. Elles tombent dans le cœur et elles arrêtent la réaction chaîne. Alors là, on parle de réactions nucléaires type celles qu'on voit dans les EPR, les REP, les centrales nucléaires telles qu'on peut voir sur le bord de nos routes, les SMR dans tout ça. Comment ça va reprendre ce principe-là et comment est-ce qu'on arrive à miniaturiser ça, puisque c'est le principe des SMR, c'est d'être des mini-réacteurs. Alors, comme vous l'avez dit, les centrales qu'on voit sur le bord de nos routes sont des réacteurs à eau pressurisée, qui sont majoritairement les réacteurs qui produisent de l'électricité dans le monde. Il y a aussi des réacteurs bouillants aujourd'hui. Donc, ce sont ce qu'on appelle, nous, des réacteurs de troisième génération, donc qui ont été améliorés en termes de sûreté pour répondre à un certain nombre de critères d'amélioration de la sûreté demandés par les autorités de sûreté. Et ensuite, il y a d'autres types de réacteurs, les advanced modules, enfin les réacteurs de quatrième génération, qui sont basés sur d'autres phénomènes physiques. Alors, ce sont pas des réacteurs repressurisés, ce sont des réacteurs au sodium, rapides au sodium, des réacteurs à sel fondu ou des réacteurs à gaz. Mais les SMR, eux, l'idée des SMR, c'est en fait une façon de concevoir les réacteurs et tout simplement de dire, plutôt que d'aller vers de la grosse puissance, quel que soit le type de concept, que je prenne un réacteur repressurisé, que je prenne un réacteur au sodium, que je prenne du gaz, soit je vais aller vers de la grosse puissance, soit je vais faire un réacteur plus petit en disant je me limite dans la puissance et avec cette puissance, finalement, je vais gagner en simplicité. Mmh. On sent bien que c'est plus facile de maîtriser une puissance plus petite qu'une grosse puissance. On dit toujours c'est plus compliqué à conduire une Ferrari quand on sait pas la conduire. Alors ou qu'une Twingo, petite, tout simplement. Oui. Donc là, c'est un peu la même chose. Et comme ils sont plus simples, finalement, à maîtriser, on va pouvoir simplifier les systèmes. On va pouvoir utiliser des phénomènes physiques pour maîtriser aussi l'évacuation de la puissance résiduelle. On va utiliser des phénomènes physiques comme la convection naturelle pour pouvoir avoir des systèmes passifs. Et donc, ça permet d'avoir un réacteur qui est beaucoup plus simple, plus petit, plus compact aussi, parce qu'on va pouvoir mettre tous les systèmes dans la cuve. Mmh. C'est aussi une des particularités des SMR. C'est quand on voit un réacteur nucléaire, il y a le cœur, la cuve, les générateurs de vapeur à l'extérieur. Dans un SMR, on va tout mettre dans la cuve. Donc, ça permet de simplifier finalement le concept. Ça permet de le modulariser, donc d'avoir des modules qu'on va fabriquer potentiellement en usine, en série. Quand on fabrique en série, on a une meilleure qualité finalement de ce qu'on réalise parce qu'on peut contrôler tout ce qu'on réalise. Et donc, ça permet d'avoir tout cet effet de série et de dire ce que je gagnais avant en faisant de la grosse puissance du point de vue économique, parce que quand je faisais plus gros sur le nombre de puissances en mètre carré, là, je vais essayer de contrecarrer parce que j'ai pas cet effet de puissance. Je vais contrecarrer par la simplicité, l'effet de série, l'usine, le passage, la fabrication en usine et le temps de construction qui est significativement réduit. On sort un peu l'explication de ce que c'est un SMR. C'est une explication tout à fait complète et qu'on va bien sûr creuser ensemble. Stéphane Sarad, il faut rappeler quand même que les SMR, pour l'instant, aucun, si ce n'est un, je crois, en Russie, a été développé. Ce sont des réacteurs nucléaires, des mini-réacteurs qui sont encore au stade d'étude pour l'instant. Oui, alors je pense que ce qui est important aussi, c'est dans la notion d'échelle qu'évoquait Jean-Michel, les réacteurs dont qu'il évoquait, que l'on voit au bord des routes ou des autoroutes quand on descend vers le sud de la France. On parle de réacteurs qui ont des puissances comprises entre 900 mégawatts pour les plus anciens, 1300 mégawatts, 1450 et 1650 mégawatts pour l'EPR. D'accord. Là, quand on parle de SMR, on parle de puissances comprises entre 100 et 300 mégawatts. C'est aussi important de voir qu'on a un facteur 5 globalement entre la puissance, sur la puissance entre les différents éléments. Donc ça veut dire que ça sera pas le même usage. Voilà, déjà aussi. Donc c'est, enfin, en termes d'implantation. Alors oui, effectivement, donc 70 réacteurs et une initiative russe avec un bateau, une barge qui s'appelle l'académique Lomonosov, qui contient deux réacteurs de 35 mégawatts. Donc c'est un SMR de 70 mégawatts qui est sur une barge et qui a donc la possibilité d'être mobile avec une application développée par les Russes d'aller alimenter un centre minier au niveau du cercle polaire, plutôt que de brûler des hydrocarbures pour faire fonctionner cette mine et la ville qui est à côté. Ils ont décidé donc de tester pour la première fois une barge mobile contenant ces réacteurs. Jean-Michel Ruggieri, ce qui est important dans ce que vient d'évoquer Stéphane Sarad, ces deux réacteurs couplés, c'est l'aspect modulaire que vous soulignez tout à l'heure des SMR. Ça aussi, c'est l'une des grandes forces, des grandes promesses en tout cas de ces réacteurs du futur. Alors, en effet, l'aspect modulaire, on le retrouve dans le fait qu'on a souvent plusieurs unités associées. Alors là, il y en a deux sur l'académie Lomonosov. On a des réacteurs de type NuScale, par exemple, qui vont jusqu'à 12 modules dans une centrale. Pour le projet New World français, c'est deux modules, en effet, dans une centrale. Donc, on a déjà cet effet de multiplication, d'effet de série. Après, la modularité, c'est plutôt sur la façon dont on va le fabriquer en tant que tel, le module, ce qui est dans les modules, les composants qu'on met dans le module, et aussi la fabrication de la centrale elle-même qui va être modulaire et qui permet de pouvoir accélérer aussi la fabrication, alors ce qui est un petit peu différent de l'académique Lomonosov. Parlons-en justement de cet aspect fabrication et de la production des centrales SMR, de ces mini-réacteurs nucléaires. C'est quelque chose qui m'a surpris quand j'ai préparé cette émission, c'est de me dire que bientôt, peut-être, on produira à la chaîne des petites centrales nucléaires, un petit peu comme on produit des portes de voitures. Est-ce que ce sera aussi simple que ça? J'imagine, j'espère que non, en tout cas, surtout en matière de sécurité. Mais voilà, comment est-ce qu'on envisage cette production en série de mini-réacteurs nucléaires? Alors, c'est un peu un mix des deux, on va dire. Ça ressemble à ça, parce que si on regarde la production en série, par exemple, des Airbus, on est sûr qu'à la fin, on veut quelque chose de très, très sûr. Et donc, on les fait de toute façon en série. Et quand on va visiter Airbus, en effet, ils les ont en série. Et il y en a qui commencent et l'autre qui se finit au bout de la chaîne. L'idée, c'est aussi un certain nombre de composants qui vont être faits comme ça en série et qui vont être dans des usines dédiées pour certains composants. Et puis après, l'assemblage se fait en effet sur site. Et par morceaux, on peut imaginer la façon de faire d'un puzzle. On a le plan un Lego. On a le plan du Lego. On nous a donné le plan et à la fin, je reproduis exactement la centrale parce que j'ai toutes les pièces qui m'ont été fournies par l'usine Lego et j'ai qu'à construire ma centrale. Donc c'est un petit peu l'idée. Et ça se fait sous cette forme-là. Stéphane Sarad. Oui, je crois qu'il faut rajouter aussi le fait que ces concepts-là, liés au SMR, arrivent aussi au niveau de la convergence, notamment des outils numériques. C'est-à-dire que l'aspect digital, tel que nous le maîtrisons aujourd'hui, nous permet aussi de concevoir une très grosse partie des objets de manière digitale, donc de gagner du temps, énormément de temps, donc de simplifier la fameuse chaîne de production qu'évoquait Jean-Michel. Et puis aussi, il y a les nouveaux modes de fabrication. Je pense en particulier à la fabrication additive, qui a fait une arrivée fracassante dans le domaine de l'aérospatial, donc au niveau aéronautique et maintenant aussi au niveau nucléaire, où un certain nombre de pièces commencent à être fabriquées. Donc cette convergence, je dirais, entre les outils numériques, les futurs jumeaux numériques de réacteurs que nous sommes en capacité de développer, l'utilisation de nouveaux modes de fonctionnement, converge vers le fait que ces futures usines d'assemblage pourront fonctionner rapidement, être mis en œuvre rapidement, avec des coûts aussi opératoires, permettant aussi, allons jusqu'au bout, de réindustrialiser au niveau français un certain nombre d'opérations. Jean-Michel Ruggeri, on parle pour les EPR d'un changement de combustible, donc d'uranium tous les 3 à 5 ans. Pour un SMR, à quelle fréquence est-ce qu'il faudra changer ce combustible nucléaire ? Là, c'est aussi très dépendant du type de réacteur qu'on va utiliser. Alors, sur celui qu'on connaît assez bien, qui est celui développé en France, qui s'appelle New World, aujourd'hui, on part sur des cycles dits de 24 mois. Donc, on va changer le combustible tous les 24 mois avec l'utilisation du combustible qui sera à peu près la même utilisation qu'on en fait dans un réacteur à eau pressurisée classique du parc. Donc, ça veut dire que le combustible sera usé de la même façon, mais sur un cycle de 24 mois. Donc, tous les 24 mois, on sera amené à changer une partie du combustible. Stéphane Sarad, il y a une autre question clé quand on parle de SMR, de mini-réacteur nucléaire. C'est une notion que je ne connaissais pas jusqu'à présent, c'est la notion de cogénération. Alors, que recoupe ce concept-là et pourquoi c'est crucial quand on parle de ces mini-réacteurs ? Alors en fait, répondant à, je dirais, à, ou tentant de répondre à l'urgence climatique, hein, c'est-à-dire développer de l'électricité décarbonée, mais aussi, comme j'évoquais tout à l'heure, décarboner nos usages, s'impose à nous le fait de devoir être en capacité de produire de la chaleur décarbonée, de produire de l'hydrogène de manière décarbonée, de pouvoir à terme produire de l'eau potable, par des salements d'eau de mer. Pour tous ces éléments-là, il faut de l'énergie. Et puis, on peut imaginer qu'on va devoir positionner aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans des centres urbains ou près de centres urbains ou près de grands centres industriels, dans des centres industriels qui sont parfois demandeurs de quantités importantes de chaleur. Et oui, donc dans nos réflexions, arrive le concept de réacteurs calogènes, donc de réacteurs qui soient en capacité, au-delà de l'électricité, de produire des fonctionnalités telles que produire de la chaleur. Et ça, ce sont des choses qui existent déjà, puisqu'en Chine, on a déjà des applications. Au niveau européen, nos amis finlandais travaillent beaucoup sur ces concepts de réacteurs calogènes. C'est vrai que leur positionnement géographique peut expliquer cela. Et donc, les SMR nous offrent cette capacité, en termes de flexibilité, de pouvoir aussi assez rapidement arriver à un concept qui serait un concept assez intéressant, puisque en fait ce qui est important c'est la fonctionnalité finale, donc eau, chaleur, électricité, et les SMR permettent d'imaginer ce genre de choses avec des positionnements géographiques. Et là on peut revenir aussi sur des pays industrialisés ou déjà dotés, comme les États, enfin l'Amérique du Nord, comme l'Europe, la France, où on peut aussi à terme imaginer des SMR près de centres industriels dédiés à ces applications-là. C'est aussi sont des choses sur lesquelles nous réfléchissons beaucoup. Jean-Michel Ruggeri, flexibilité, mobilité, on va parler maintenant un petit peu de coûts et d'espace nécessaires pour ces SMR-là. J'imagine qu'à l'état de projet, c'est encore difficile d'estimer le coût moyen que coûtera l'achat pour un pays, notamment d'un SMR, d'un petit réacteur. Mais est-ce qu'on a une idée de ça et de quel type d'espace on aura besoin pour les installer? Alors, c'est vrai que dans les phases de développement dans lesquelles on est de ce type de réacteur, c'est difficile d'estimer un coût soit de l'investissement. Alors souvent, on se dit, voilà, ce qui est important, c'est de savoir quel est le coût de l'électricité que je vais vendre, finalement, une fois que j'ai ce réacteur. Et comme on peut regarder où est-ce qu'on se positionne, si on se positionne sur le marché de remplacement des centrales à charbon, donc ça veut dire qu'on doit être compétitif de ce qui pourrait remplacer ces centrales à charbon. Et ce qui peut remplacer ces centrales à charbon, si on veut rester vertueux, c'est des centrales à gaz avec de la capture de CO2. Donc ça nous donne à peu près la cible sur laquelle on va être dans ce marché-là. Ceci dit, un marché, il va évoluer avec le prix du CO2, avec un certain nombre de réglementations. Donc savoir à quel moment le marché, il va être... Stabiliser, entre guillemets. Voilà, ouais, stabiliser, ouais. C'est pas tout à fait simple. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on doit être compétitif sur ces marchés-là. Après, donner les coûts aujourd'hui, c'est un peu quelque chose. C'est encore un petit peu trop tôt. On va poursuivre dans un instant, bien sûr, cette discussion autour des mini-réacteurs nucléaires. Mais tout de suite, il est l'heure, comme chaque mercredi, de retrouver la recherche contre en main. Une recherche montre en main avec aujourd'hui Pierre Devaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse au CEA Cadarache au sein du département d'études des réacteurs et vous êtes rattaché à l'université Grenoble-Alpes. Votre thèse s'effectue sous la direction de Jean-François Vidal et est encadrée par Maxime Gaillot. Elle s'intitule « Développement d'un schéma de calcul neutronique pour la modélisation du pilotage des SMR sans bord soluble ». Et c'est à vous. Donc, je m'appelle Pierre Devaux et j'effectue une thèse au CEA Cadarache dans le sud de la France. Alors, je travaille au sein de l'Institut IREN dans le département d'études des réacteurs et ma thèse est dirigée par Jean-François Vidal et encadrée par Maxime Huy. Alors, je vous invite, autour d'un café, à effectuer un voyage au sein d'un cœur de réacteurs nucléaires. Imaginez de très grands et très fins crayons verticaux contenant de l'uranium. Ces très nombreux crayons sont immergés dans de l'eau chaude et le tout est contenu dans une cuve sous pression bien verrouillée, un peu comme notre cocotte minute, par exemple. Parmi les noyaux d'uranium, il y en a un particulièrement intéressant qui se sépare en deux lorsqu'il absorbe un neutron, ce qu'on appelle la fission. Lors de la fission, il y a libération d'une grande quantité d'énergie et aussi émission de 2 à 3 nouveaux neutrons qui peuvent, à leur tour, provoquer de nouvelles fissions. C'est le principe de la réaction en chaîne. Alors, pour piloter un réacteur nucléaire, il faut contrôler cette réaction en chaîne et donc s'assurer que le nombre de neutrons soit stable au cours du temps. Parmi les neutrons émis à l'issue de la fission, un et un seul doit conduire à une nouvelle fission. Il faut donc se débarrasser de neutrons en excès. Alors pour ça, on peut compter naturellement sur les fuites de neutrons hors du cœur, qui dépendent principalement de la géométrie du cœur, mais aussi sur la capture des neutrons par d'autres noyaux, qu'on appelle des poisons neutroniques. Dans les réacteurs à eau pressurisée français, on utilise comme poison neutronique l'élément chimique bore, B-O-R-E, dont un noyau est particulièrement friand de neutrons. Le bore, il est dissous dans l'eau. On parle donc de bore soluble. Pour piloter la réaction en chaîne, et donc le réacteur, il suffit de changer la concentration en bore soluble en effectuant une simple dilution. C'est un peu comme de mettre de l'eau dans votre sirop, par exemple. Le bore soluble, il possède de nombreux avantages pour le pilotage, mais aussi certains inconvénients, par exemple sur le plan économique ou environnemental. Aujourd'hui, on étudie des petits réacteurs, souvent appelés SMR, pour Small Modular Reactor, dont certains n'utilisent pas de bore soluble. Mais dans ce cas, comment faire pour piloter la réaction en chaîne? On utilise principalement des poisons neutroniques solides contenus dans ce qu'on appelle des grappes de contrôle, qui sont insérées entre les crayons combustibles. Pour piloter le réacteur, il suffit d'insérer ou d'extraire les grappes de contrôle dans le cœur. Alors ces grappes, elles existent déjà dans les réacteurs actuels, mais elles sont peu utilisées pour le pilotage. Elles servent essentiellement à arrêter la réaction en chaîne et donc le réacteur. Dans ces nouveaux réacteurs, les grappes seront insérées longtemps dans certaines parties du cœur. Et ça, c'est vraiment la particularité des réacteurs sans bord soluble. C'est même tellement particulier qu'il est nécessaire d'imaginer de nouvelles méthodes de calcul, qu'on appelle schéma de calcul, pour la simulation du cœur afin de bien traduire tous les phénomènes physiques associés au mouvement d'insertion et d'extraction des grappes. Et c'est tout l'enjeu de ma thèse. C'est le développement d'un schéma de calcul neutronique pour la modélisation du pilotage des SMR sans bord soluble. L'objectif étant d'évaluer les effets physiques liés à l'insertion prolongée des grappes dans le cœur et de proposer un nouveau traitement plus fidèle des effets historiques d'insertion des grappes de contrôle. Alors, je suis actuellement au début de ma troisième année de thèse et mes travaux ont permis d'aboutir à la construction d'un schéma de calcul qui est en cours de vérification et de validation à l'échelle d'un assemblage, c'est un motif contenant 264 crayons de combustible. Et la suite de mes travaux, elle consistera à modéliser complètement, cette fois-ci, un petit cœur de réacteur en 3 dimensions pour évaluer cette nouvelle méthode de calcul et comparer les résultats obtenus avec ceux produits par le schéma traditionnel de conception. Merci pour votre attention et bonne suite d'émission. Merci beaucoup Pierre Devaux, on vous souhaite bon courage pour la fin de la rédaction de votre thèse. Une réaction à ce travail de thèse, Stéphane Sarad? C'est toujours enthousiasmant d'entendre un doctorant présenter aussi clairement et aussi simplement... Globalement, un sujet assez compliqué, où on voit bien aussi le travail fondamental qui est nécessaire pour passer d'un réacteur donc qui contient du bore soluble, qui est quand même aussi dans la notion de la réglementation REACH, qui est quand même problématique. Et on voit bien l'importance de la recherche fondamentale ou plus amont pour les futures générations de réacteurs d'imaginer ces concepts-là. Jean-Michel Ruggiero, une réaction? Déjà une certaine fierté de l'entendre, parce qu'on le connaît bien. Il fait partie du programme sur lequel nous travaillons, donc ça fait plaisir. C'est aussi enthousiasmant de voir que les jeunes sont intéressés par ce domaine-là. Les SMR, c'est vrai que ça attire beaucoup d'étudiants, et les étudiants sont friands de venir sur ces sujets-là, donc c'est important aussi pour pouvoir essaimer et apporter cette chose-là. Donc ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est vrai que ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Stéphane. C'est essentiel de bien modéliser l'ensemble de ces phénomènes-là pour pouvoir réussir à les construire, à les fabriquer plus vite. Alors, on parle du cœur de réacteur, mais on parle aussi de l'ensemble du réacteur. Donc, ça c'est vraiment typiquement au cœur, du coup, de ce qu'on réalise au niveau du CEA. Pour arriver directement du premier coup. Oui, pour arriver du premier coup. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est très imageant. Merci. Ben, en tout cas, on va continuer cette émission. Restez avec nous parce qu'on va aborder dans un instant, juste après la musique, des questions évidemment qu'on doit poser. C'est des questions liées à la sécurité de ces mini-réacteurs et aussi à la gestion des déchets qu'ils vont produire. Ce sera juste après ça. My Philosophy par Tex Perkins and the Fat Rubber Band dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de mini-réacteurs nucléaires et nous en parlons avec Jean-Michel Ruggieri, chef du programme SMR à la direction des énergies du CEA. Avec nous également Stéphane Sarad, directeur des programmes énergie et directeur de recherche au CEA. Alors on en arrive à présent au reportage. Pour passer d'une recherche appliquée à l'élaboration d'un projet industriel, les chercheurs utilisent différentes modélisations de fonctionnement de réacteurs et c'est le sujet du reportage du jour. Rebonjour Alexandra Delbon. Bonjour Antoine. Vous êtes décidément sur tous les fronts aujourd'hui. La preuve, vous avez bravé le froid, la brume et vous êtes parti à la conquête du plateau de Saclay. Oui, le long d'une très jolie départementale. Oui, j'ai pu admirer sur écran géant, dans une presque salle de cinéma, la projection de ces modélisations. J'étais avec Jean-Claude Garnier, qui dirige le programme de recherche sur les réacteurs de quatrième génération. Et ces réacteurs diffèrent des réacteurs actuellement en cours de production. Mais qu'ils soient à neutrons rapides, à haute température ou même miniaturisés comme les SMR, ces réacteurs font tous l'objet de modélisations et elles permettent d'évaluer les performances des réacteurs ainsi que leur qualité, notamment vis-à-vis de la sûreté nucléaire. Les réacteurs de quatrième génération, c'est une terminologie qui a été introduite au début des années 2000 pour désigner des réacteurs qui sont différents de ceux qu'on est en train de construire. Ceux qu'on est en train de construire, c'est les réacteurs de troisième génération. Et en fait, ils sont différents par la technologie. L'idée à ce moment-là était de dire le nucléaire va se développer. Et dans ce développement du nucléaire, il y aura besoin d'avoir d'autres fonctionnalités, d'autres usages du nucléaire. Et où il y aura besoin, sur le cycle du combustible, d'avoir des technologies qui soient plus performantes que les réacteurs actuellement en phase de construction. Donc on a introduit cette notion de réacteur quatrième génération, en fait, qui désigne plusieurs technologies, mais globalement, le mode commun, c'est le fait qu'elles diffèrent des réacteurs actuels, qui sont des réacteurs à eau. Pour faire très simple, il y a les réacteurs à neutrons rapides. Donc là, ça a à voir avec la physique neutronique. C'est le neutron qui intervient dans la fission nucléaire. Le fait que ce neutron soit un neutron rapide, ça permet de mieux utiliser l'uranium et de produire moins de déchets que les réacteurs à neutrons thermiques qui sont utilisés actuellement. Un autre type de réacteur qui est étudié aussi en parallèle, c'est les réacteurs à haute température. Un réacteur à eau fonctionne à 300 degrés, on va dire. La température chaude, c'est 300 degrés. Et on a des concepts de réacteurs qui peuvent fonctionner jusqu'à 800, 900 degrés. Et le fait d'avoir des températures aussi élevées, ça permet d'envisager l'utilisation du nucléaire comme source de chaleur pour des procédés industriels. Ça, c'est une vision papier. Les réacteurs de quatrième génération, c'est des réacteurs qui sont au stade des études conceptuelles. Il y a peu de projets de construction aujourd'hui. Et justement, au niveau de ces études conceptuelles, une des importances, c'est la modélisation, c'est-à-dire de lier les paramètres physiques pour pouvoir justement en faire quelque chose, en développer un projet industriel. Oui, parce que au stade des études conceptuelles, en fait, assez vite, il faut avoir une évaluation des performances des réacteurs et il faut avoir une évaluation de leur qualité, y compris les qualités vis-à-vis de la sûreté nucléaire. Et donc le moyen qu'on a de faire ça, c'est de faire des simulations numériques. Donc effectivement, le sujet, c'est au moment où on lance un projet industriel, d'avoir à disposition un ensemble d'outils numériques de simulation qui permettent de mener ces études de définition du réacteur, d'une part, et puis les démonstrations de sûreté, d'autre part. On voit une modélisation avec beaucoup de couleurs. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu qu'est-ce que ça représente? Oui, donc en fait, on a sous les yeux une représentation d'un réacteur nucléaire dans toute sa partie circuit primaire, plus le cœur, plus le combustible. Donc, on va dire la partie nucléaire de l'installation. Et ce qu'on a sous les yeux, c'est la simulation d'une situation de fonctionnement qui est une situation accidentelle. La gradation des couleurs représente les températures. Le rouge, c'est les températures les plus élevées. Le bleu, c'est les températures les plus froides. Donc, en fait, vous voyez, le bleu est en bas, dans la partie basse du réacteur. Et puis, en fait, le fluide va circuler de cette partie basse vers le haut. Et en traversant le cœur, le fluide s'échauffe, mais surtout, il refroidit le combustible. Et donc, très souvent, les paramètres de la démonstration de sûreté, c'est des températures de combustible à pas dépasser. Donc, il y a les températures avec les couleurs. Et puis, on a une technique qui permet de visualiser le fluide, c'est-à-dire que ces phénomènes de turbulence ou de rotation du fluide, en fait, on a des zones où l'écoulement est très canalisé. Et puis, il y a des zones qui sont des grands volumes où l'écoulement est plus ouvert et où on a des phénomènes comme ça de recirculation. Et donc, c'est plus ou moins important de connaître ce qui se passe dans tous ces volumes. Par contre, ce qui se passe dans le cœur, c'est particulièrement important, quoi. C'est-à-dire que on va étudier comment les phénomènes qui existent dans les parties basses, plénum inférieur en bas, là, comment ça influence le refroidissement du cœur, par exemple. Donc, on a des couplages entre des phénomènes qui se produisent dans des volumes et dans des tuyauteries. On a du couplage entre de la thermohydraulique et de la neutronique dans le cœur. On a de la multiphysique. Et je dirais, c'est tous ces phénomènes-là qu'on cherche à avoir en ayant bien compris l'influence de l'un sur l'autre. Ces démarches-là de simulation, elles ont été introduites il y a longtemps. Ce qui a beaucoup évolué, c'est la capacité de simulation avec des ordinateurs très performants. Et puis du coup, la modélisation prend en compte des détails, ce qu'on a sous les yeux. Vous voyez, les géométries, elles sont complexes et on peut les représenter avec très peu d'approximations. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on était obligé de simplifier le modèle pour être capable de résoudre les équations numériques sur des modèles plus simples que ce qu'on a sous les yeux. Est-ce que ces modélisations vont être aussi utilisées pour des cas de miniaturisation comme le SMR? Oui. Et donc, en fait, la démarche, elle est générique, hein, quel que soit le type de réacteur. Donc, quelle que soit la génération. Voilà, génération 3 ou génération 4, un réacteur à eau, ou un réacteur à neutrons rapides ou un réacteur à gaz, ça, c'est générique. Ce qu'il faut, c'est avoir des modèles adaptés à chacune des types de réacteurs. Donc, les réacteurs à eau, effectivement, au fil du temps, la fonctionnalité des outils de calcul a été beaucoup développée. Donc, on a des outils opérationnels pour... Mais il faut quand même justifier par des essais, que les modèles physiques sont applicables au concept de réacteur qu'on est en train d'étudier. Dans la démarche d'industrialisation d'un nouveau concept, même un réacteur à eau, il y aura des expériences en support de la validation des outils de calcul. Et c'est pour ça que la recherche fondamentale est encore importante, même quand il y a transfert industriel. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir à la fois des compétences et la capacité à créer des outils expérimentaux chaque fois qu'il y a des besoins qui apparaissent sur un projet industriel. Voilà pour ce reportage qui fait un petit état des lieux de la recherche en amont, du développement de tout type de projets nucléaires et de nature industrielle ou pas, comme les SMR. Une réaction à ce reportage, Jean-Michel Ruggieri? Mais c'est tout ce qu'a dit Jean-Claude, j'adhère, parce qu'en effet, c'est bien la démarche complète qui est utilisée systématiquement sur tout type de réacteur. Trouver la meilleure modélisation, et aujourd'hui on va dans des modélisations où en effet avant on découplait les physiques, on faisait d'abord la neutronique, après on faisait la mécanique, après on faisait la thermohydraulique. Aujourd'hui on essaye de coupler l'ensemble pour avoir une meilleure physique, une meilleure compréhension sur les performances du réacteur, mais aussi surtout et principalement sur la sûreté du réacteur, qui est un des points essentiels finalement. La sûreté était évoquée dans ce reportage. C'est difficile d'éluder le sujet quand on parle de nucléaire, surtout comme en ce moment on le voit avec ce dépôt de plainte d'un cadre de la centrale nucléaire du Tricastin contre EDF pour dissimulation qui a été révélé par Mediapart puis repris par Le Monde. C'est très difficile et on ne peut pas faire l'économie de questions autour de la sécurité de ces futurs réacteurs nucléaires, de ces mini-réacteurs. Stéphane Sarad, quels seront les enjeux de sécurité autour de ces réacteurs-là, seront-ils exactement les mêmes que pour les EPR, ou bien est-ce qu'il y aura des spécificités qui leur seront propres ? Non, il est impensable d'imaginer des niveaux de sûreté affaiblis ou dégradés, quels que soient les réacteurs nucléaires. Donc très clairement, les niveaux de sûreté attendus sur les SMR ou AMR dans un temps plus long seront équivalents à ce que nous avons développé et ce que nous attendons des futurs EPR. C'est quelque chose qui n'est pas même envisageable, puisque je crois que l'objectif, c'est de produire sur du long terme des énergies décarbonées. Alors, dans ce qu'évoquait Jean-Claude et juste à l'instant Jean-Michel, il y a la notion du digital. Il y a un mot que j'ai évoqué tout à l'heure qui s'appelle jumeau numérique. Jumeau numérique, c'est un peu pour nous le saint graal de la modélisation, c'est-à-dire intégrer tout ce que vous avez entendu pour imaginer, réaliser un réacteur complètement numérique qui sera le frère jumeau du vrai réacteur. Réacteur nucléaire qu'on peut soumettre aussi à des potentiels accidents. Vous avez tout à fait compris, donc ça va vous aider pour la gestion, sur la maintenance, mais aussi pour simuler des situations incidentelles et surtout pour pouvoir anticiper le type de réaction, de comportement. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes puisque ce sont les outils actuels qui nous permettent d'imaginer ce genre de choses. Et on imagine que les SMR pourront être, comme les EPR, les futurs EPR, être en capacité d'utiliser ces fonctionnalités. Donc au niveau de la sûreté, c'est quelque chose qui est équivalent, quel que soit le type de réacteur que nous allons développer. Là, on parle de la sûreté et de la sécurité intrinsèque de ce type de réacteur. On parlait tout à l'heure du caractère démocratique, ou en tout cas de la volonté de démocratiser l'énergie nucléaire via ces SMR. Ce qui signifie qu'on va vendre potentiellement de petits réacteurs à des pays qui sont moins riches, peut-être moins stables politiquement. Ça, c'est aussi un enjeu, alors que vous ne pouvez pas maîtriser malheureusement à votre échelle d'ingénieur. Mais comment ça se passe? Comment on envisage cette vente finalement d'un mini-réacteur nucléaire à un pays qui peut être soumis à une crise, à une guerre, et donc à un potentiel accident nucléaire grave pour la population locale ou la population régionale? Alors, on va peut-être pas parler à la place des personnes qui vont être amenées à vendre ces réacteurs. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en fait, et là aussi ça a été évoqué précédemment, l'idée c'est de vendre un service, c'est-à-dire la production d'électricité décarbonée. Et ça implique à la fois un réacteur, tel que vous l'avez évoqué, mais je vais aller plus loin que votre question. C'est aussi ce qu'on appelle le cycle du combustible, c'est-à-dire les fameux combustibles ou les assemblages que nous avons évoqués, qu'il faut fabriquer, qu'il faut amener, qu'il faut changer et qu'il faut derrière retraiter. Donc la question à l'heure actuelle, c'est aussi d'imaginer, et ça, ce sont dans cette notion à l'export, il y a cette problématique qui est sur la table, qui est de dire, mais comment allons-nous gérer de manière à maîtriser le fait qu'il n'y ait pas de prolifération avec de la dissémination de combustible usé à droite ou à gauche. Donc voilà, il y a la notion aussi de réglementation internationale, c'est-à-dire que ces réacteurs, ces SMR que nous allons fabriquer, ils vont devoir avoir une autorisation. Alors effectivement, si vous avez une autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire française, un agrément de l'autorité de sûreté américaine, forcément vous êtes à des standards très élevés. Donc on peut imaginer que ces réacteurs-là seront de ce fait assez facilement déployable, mais oui, il y aura complètement une discussion avec chaque État qui souhaite. Et donc, ça a été évoqué par Jean-Michel tout à l'heure, il y a un certain nombre d'États qui disent « moi, je veux un SMR parce que j'ai besoin de décarboner, parce que ma démographie est très élevée ». Quel type d'État, par exemple ? Ben, des États dans les pays africains, par exemple, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Mm-hmm. Donc, nous avons des pays africains qui d'ores et déjà nous ont dit, nous, à l'horizon 2035, on souhaiterait avoir le Nigeria, par exemple. Nigeria, le Kenya. Mmh. Le Kenya. Donc, il y a un certain nombre de pays. Et donc, il y a aussi la notion de réseau, puisque il faut aussi avoir un réseau capable d'accepter cette production qui sera, même si c'est un petit réacteur, localisé. Mmh. Donc, toutes ces problématiques-là vont rentrer dans le déploiement. Jean-Michel Ruggieri. Oui, et puis on peut rajouter aussi qu'on a aussi l'AIEA qui surveille, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique qui surveille le nucléaire civil pour apporter ce nucléaire bienfaiteur, on va dire, au niveau, en tout cas vu comme pour l'AIEA comme bienfaiteur pour la production d'électricité notamment et d'énergie. Et l'AIEA a mis en place ce qu'on appelle une roadmap, une façon de faire pour les pays nouveaux entrants. Et ils ont un certain nombre d'étapes à franchir, créer une autorité de sûreté ou se mettre avec une autorité de sûreté qui va les aider, créer aussi le microcosme interne pour la formation des jeunes, pour que il y ait une formation des gens qui connaissent le nucléaire en interne chez eux, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'étapes qui sont longues. Oui. Pour arriver à rentrer le nucléaire, ça se fait pas comme ça du jour. On va pas vendre un réacteur nucléaire et lui donner demain. C'est pas possible. Il y aura une garantie et un suivi en amont. Tout à l'heure, Stéphane Sarad, vous parliez de l'aspect modulaire du côté flexible de ces SMR et de leur potentielle installation, notamment à proximité de zones habitées. Ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, de mon point de vue de citoyen, me fait réfléchir et je me dis, est-ce que tout le monde sera prêt à accepter l'implantation dans une agglomération, dans une périphérie proche d'un SMR? Comment est-ce que ça, vous allez travailler à le mettre en place et à finalement pour convaincre les personnes? Je dirais qu'en fait, le premier travail, ça sera de présenter, enfin, et c'est notre travail à Jean-Michel, Jean-Claude et à moi, c'est de présenter très sereinement ce qu'est un SMR. Oui. Quels sont les modes de fonctionnement, quels sont les niveaux de sûreté, quelle va être l'implantation avec des systèmes qui seront sur les SMR type New World en grande partie enterrés, et la démonstration, je dirais, de la sûreté, elle est aussi liée au fait que nous avons derrière nous une expérience en France depuis les années 70 d'utilisation. Il y a déjà des gens qui vivent à côté des centrales nucléaires et il y en a beaucoup. On pense à la vallée du Rhône par exemple. La vallée du Rhône en particulier. Donc, je dirais, ce sont des choses qui existent déjà. Alors, effectivement, il faut pas tomber aussi dans le fantasme d'une vision où on va mettre un SMR. Un SMR tous les 20 kilomètres. Non, c'est pas ça l'enjeu à l'heure actuelle. Il y a un vrai enjeu, notamment sur les sites industriels. Parce que si on veut réindustrialiser, ça, c'est une vraie question, ça veut dire mettre plus d'énergie décarbonée en France à disposition des industries, donc se pose aussi cette question-là. Donc ce sera pas uniquement des centres urbains, mais aussi des centres industriels qui vont pouvoir bénéficier de ce genre d'énergie. Jean-Michel Ruggieri, on a parlé de sécurité, on va parler maintenant d'une autre question qui fâche toujours quand on parle de nucléaire, c'est la question des déchets. Qui dit multiplication de centrales nucléaires, y compris si elles sont petites, dit multiplication des déchets. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est pris en compte dès le stade de la recherche et développement pour le futur de ces SMR? Alors, en premier lieu, on peut dire que nous, ça nous fâche pas de parler de déchets parce que c'est dans notre ADN de dire le nucléaire, on travaille sur l'ensemble de la chaîne et sur le cycle de vie du nucléaire pour être sûr de bien maîtriser l'ensemble. Donc, de ce point de vue-là, je laisserai compléter Stéphane sur cette partie-là, mais c'est vraiment pas un sujet de discorde, en tout cas pour nous. Quand on parle de SMR, on peut en effet, dans l'imaginaire, dire plus qu'il y en aura beaucoup, il y aura plus de déchets. Si on ramène ça à la production électrique, pour un kilowattheure d'électricité produite ou d'énergie produite, la quantité de déchets produits par les SMR sera du même ordre de grandeur que celui des grands réacteurs nucléaires. Donc le sujet n'est pas qu'on en aura plus, il y aura plus d'unités en effet, mais pas plus de déchets au nombre d'énergie produite. Donc voilà, pour démystifier un peu les choses, c'est, on n'en aura pas moins, on n'en aura pas plus, et on les maîtrise de la même façon parce que c'est les mêmes types de réacteurs, c'est les mêmes combustibles qui sont usés de la même façon. Donc là, tout le travail qu'on réalise sur le cycle du combustible en France notamment, voilà, est applicable, et la R&D est appliquée tout de suite à ce type de réacteur. Stéphane Sarrat, sur cette question des déchets et sur cette intégration de la recherche autour des déchets dès la phase initiale de la recherche autour des SMR. Alors, c'est vraiment important de parler des déchets parce que ça fait aussi partie de la discussion sur l'implantation des réacteurs nucléaires. Et vous voyez que depuis bientôt une heure, on parle beaucoup de réacteurs. Et dans les dernières minutes, on parle des déchets. La vision qu'on doit avoir, c'est qu'un réacteur, c'est quelque chose qui fonctionne avec un combustible qu'il convient de fabriquer et qu'il convient de traiter de manière à sortir la fraction la plus faible possible de déchets ultimes et une fraction la plus large possible d'éléments que l'on va être en capacité de valoriser, de réutiliser. C'est ce qu'on appelle la vision du retraitement en France. Et ce qui est important, c'est que nous sommes, la France, leader au niveau industriel dans ce domaine du retraitement, de la gestion des déchets, enfin, du retraitement et de la gestion des déchets, et que les SMR, le SMR New World, étant exactement lié au, enfin, du même concept que nos réacteurs repressurisés, on va utiliser la même stratégie et les mêmes outils industriels. Et ça, c'est un point très important, parce que ça veut dire qu'il y a une responsabilité sur le fait de fabriquer des réacteurs et d'associer à ces réacteurs la gestion. Et le nombre de déchets par rapport à l'énergie produite sera équivalente, que ce soit sur des EPR ou avec des SMR. Vous parlez pas mal de ce projet donc de SMR New World qui est en France. On parle de SMR depuis le début de l'émission et ces projets de SMR ne sont pas sortis de terre, que déjà on pense aux mini réacteurs de quatrième génération. Jean-Michel Ruggieri, pour terminer cette émission, parlez-nous en quelques mots de ces AMR, comme on les appelle. Oui, alors tout à l'heure, Jean-Claude expliquait en effet que les réacteurs de quatrième génération, l'idée c'est qu'on a d'autres types de combustibles, on va utiliser différemment le combustible et on va avoir des points de fonctionnement du réacteur qui sont différents, notamment de plus haute température. Alors ça permet de mieux utiliser le combustible, et c'est l'idée en France de fermer le cycle du combustible et d'avoir un nucléaire qui soit durable et d'utiliser au mieux toutes les matières nucléaires à disposition. Il y a très peu de déchets finalement qui sortent d'un réacteur nucléaire, et c'est surtout des matières qu'on peut réutiliser, et c'est l'idée de ces réacteurs de quatrième génération. Et donc, on disait, il y a les réacteurs à spectre rapide, donc neutrons rapides, refroidis au sodium, les molten salt, les réacteurs à sel fondu aussi de spectre rapide, qui permettent de travailler sur ce futur. Et l'idée, c'est bien d'avoir ces réacteurs-là qui aident à gérer les matières nucléaires et à avoir un cycle plus long pour ces matières. Et aussi avoir d'autres nouvelles applications, ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être les industries notamment. Stéphane Sarrat, un tout dernier mot, est-ce qu'on a une idée d'à quel horizon pour avoir un premier SMR ? Bon, notre objectif c'est 2030, hein, c'est effectivement ce qui est sur notre feuille de route, et avoir un objet en capacité d'être déployé ultérieurement et surtout de s'intégrer dans notre vision globale, c'est-à-dire un mix décarboné avec des ENR et avec du nucléaire. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Michel Ruggieri, Stéphane Sarrat, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour parler des SMR. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, aujourd'hui à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Nasser Moussaoui. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.